Le devenir de l'instruction supramentale, novembre 2022. Donc, avant de débuter l'enregistrement, je veux vous mentionner que par rapport à Marc de la Salle, auteur et conférencier québécois qui a visé à véhiculer l'instruction supramentale sur plusieurs années, donc à travers d'enregistrements audio, livres, articles et vidéos, eh bien, son matériel qui était entreposé jusqu'à présent sur le site web boussolesupramentales.com, eh bien, ne le sera plus à l'avenir. C'est-à-dire que la personne responsable de ce site Internet m'a avisé qu'il va être fermé dans les prochains mois. Par contre, elle a développé à la place le site web qui s'intitule marcdelassalle.jthub.io. Donc, vous allez avoir les coordonnées de ce site web en bas de l'enregistrement présent où vous allez pouvoir y retrouver donc des enregistrements audio, des livres et des articles qu'il a produits. Je vous parle de Marc de la Salle parce que c'est un invité mémorable auprès duquel j'ai fait de nombreuses entrevues au fil des ans, en fait de l'année 2011 à 2020, sur près de 9 ans. Donc c'est sûr que s'il y a des gens qui viennent de découvrir mes enregistrements audio sur le web il y a quelques jours, quelques mois, eh bien, je vous propose naturellement d'écouter les enregistrements de Marc de la Salle, étant donné que j'évalue qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui peuvent avoir une portée à long terme de par la nature des sujets et des thématiques qui ont été abordées. Donc, vous en avez plusieurs donc sur ma chaîne YouTube, mais il y a également d'autres enregistrements qui existent, qu'il a produit en solo, qui a fait seul devant ordinateur, qui a fait aussi devant public, donc il avait notamment donné des conférences dans la ville de Montréal, au Québec, dans le pays du Canada, à plusieurs reprises. Il avait été aussi interviewé par Chloé à quelques occasions, donc par rapport à du matériel de Marc de la Salle en grande quantité et complémentaire à ce qui est véhiculé là, sur ma chaîne YouTube. Bon, ben, je vous propose d'aller sur le site web marcdelassalle.jithub.io. Donc, vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement présent. Donc, ceci dit, l'annonce est faite par rapport à Marc qui est décédé, en fait, depuis 2020. Et qui a accompli là, sur plusieurs années là, un travail considérable de diffusion. Donc, c'est ce que j'avais mentionné d'entrée de jeu. Pour aborder le sujet sur le devenir de l'instruction supramentale, bien, j'ai eu des échanges avec des personnes, puis moi, la situation présente où il y a des gens qui vont chercher à diaboliser l'instruction supramentale, la faire voir comme étant satanique ou la ridiculiser ou la discréditer de différentes façons. Bon, est-ce que ça entrave le devenir à long terme si je vais voir par en dedans avec mon esprit? La réponse, c'est non. Ce que ça me dit intérieurement par rapport à tout ça, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et puis, toute forme de pensée qui peut prendre de l'expansion par rapport à une population, c'est sûr qu'une pensée nouvelle amène des résistances. Et c'est tout à fait normal. Donc, il y a des gens qui sont plus conservateurs, qui ne sont pas à l'aise avec la nouveauté, qui sont attachés à des formes anciennes. Là, il est exposé à une vibration nouvelle, il y a toutes sortes de réactions. Il y en a qui vont être ouverts d'esprit, puis au contraire, d'autres extrêmement réticents. Donc, quand il y a des pensées nouvelles qui sont amenées dans une société ou une civilisation, les gens qui amènent ça ne sont pas nécessairement bien vus. C'est souvent des gens qui sont marginalisés, et ainsi de suite. Donc, présentement, qu'est-ce qui se passe sur Internet? C'est-à-dire, d'un côté, l'instruction supramentale est de plus en plus véhiculé par plusieurs personnes, il y a plusieurs instructeurs. Mais en même temps, à mesure que ça prend l'ampleur, puis à mesure, ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont contester ça, et ça fait partie de la vie. Moi, ce que ça me dit intérieurement, c'est de ne pas m'inquiéter de m'inquiéter de ça, de ne pas me préoccuper de ça. En fait, ce qui est essentiel, c'est de m'occuper de ma vie. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des chicanes de clochers en différentes chapelles théoriques, ça leur appartient. Et toute tentative de domination qui peut être faite au nom d'instructions supramentales, tôt ou tard, s'il y en a qui cherchent à dominer les autres en l'utilisant pour former des religions ou des sectes, tôt ou tard, les gens seront confrontés aux limites de leur ajustement pour des raisons de loi de retour d'énergie. Les choses vont se rééquilibrer. Donc, le devenir de l'instruction supramentale, est-ce qu'il est menacé présentement par une vague d'opposition? La réponse est non, parce que les oppositions sont en relation avec des êtres au niveau de la forme. Donc, quelqu'un qui conteste l'instruction supramentale parce qu'il ne veut pas croire ce que l'autre dit, dans un sens, c'est sain, parce que le but fondamental de l'instruction, c'est de ne pas croire que chaque individu soit autonome. Par contre, s'il y a des gens qui cherchent à se défouler en lien avec elle, ça fait partie de leur expérience. Il y a des gens qui, dans le fond, la méprisent, ça fait partie de leur expérience aussi. Donc, moi, ce qui m'intéresse par rapport à la question d'instruction supramentale, c'est en tant qu'individu d'avoir l'ouverture d'esprit en relation avec la captation vibratoire que je peux en faire, de faire les ajustements créatifs et intelligents dans ma vie de tous les jours, en vue d'être bien dans ma peau, être dans la paix de mon esprit. Des batailles entre des gens là, qui vont s'obstiner entre eux sur Facebook, sur YouTube, qui aiment la discorde ou qui cherchent à se défouler avec d'autres personnes. Puis non, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça, s'il y a des gens qui ont de l'énergie pour ça, ça leur appartient. Mais l'énergie qu'ils vont utiliser par rapport à ça, c'est pas de l'énergie qu'ils vont utiliser en vue d'une intégration personnelle, d'une instruction, si ils ont à la vivre naturellement. Moi, la façon que je perçois les choses, c'est que tout ce qui est une réalité vibratoire, avec le temps, bien, les gens qui deviennent de plus en plus sensibles, qui se conscientisent, vont être obligés, à quelque part, de convenir avec certains constats vibratoires qui les mettent en relation avec une réalité universelle. C'est juste une question de temps. Quelqu'un, par rapport à un phénomène fondamental énergétique, peut faire du déni. Après ça, le même phénomène se refait une deuxième fois, troisième fois. À un moment donné, la personne ne peut pas dire « Ah, ben c'est juste mon imagination ou c'est des hallucinations ». Tu sais, à un moment donné, il y a des expériences qui sont vécues, c'est d'ailleurs dans mon cas, à travers mon vécu d'expériences à caractère paranormal au fil des ans, qui m'ont amené à prendre en considération la réalité d'un univers avec un fondement énergétique qui va faire en sorte que, à quelque part, il y a des programmations avec des réalités, oui, physiques, biologiques. Dans le domaine de la science, on connaît la notion à l'effet que les corps biologiques sont programmés par l'hérédité, c'est-à-dire le bagage génétique des géniteurs d'un individu, donc ses parents, qui vont accroître le risque que l'enfant développe certaines maladies ou autres. Mais il y a d'autres types de programmations. Et c'est la capacité de l'ego d'être transparent et d'observer les programmations qui s'actualisent dans sa vie qui le font réaliser, oui, à un moment donné, quelque part, il y a une réalité fondamentale qui est au-delà de l'intellect, qui est par-delà la réflexion, qui ne peut pas s'appréhender d'une perspective purement analytique qui existe. Donc, le devenir de l'instruction supramentale avec le temps, bien, c'est en relation avec l'intégration individuelle. C'est pas un devenir qui s'adresse au collectif. Je pense pas qu'il y ait un parti de l'instruction, un parti supramental, comme on a un parti communiste ou un parti qui véhicule les valeurs du capitalisme ou de la social-démocratie. D'ailleurs, en réalité, et ça c'est une dimension qui est délicate, parce que je constate que des gens qui vont contester l'instruction supramentale comme si c'était une forme religieuse, un peu comme la religion catholique avec des principes qui sont des éléments qui sont figés à travers, par exemple, un écrit. Alors que l'instruction supramentale, c'est des principes de nature vibratoire. C'est des principes énergétiques qui peuvent être captés avec la sensibilité. C'est pas un écrit. Donc, la contestation de l'instruction ne peut pas se faire si on part du principe que l'instruction est en relation avec un taux vibratoire, un niveau d'énergie, comme on peut contester quelque chose à partir d'un article de loi. T'sais, c'est une loi avec une structure, puis tu as des sous-catégories par rapport à 1.1, 1.2, 1.3. Bon, ben ça, c'est au niveau de la forme. Quelqu'un peut... Puis les formes peuvent être contestées de différentes façons. Mais pour ce qui est du devenir de l'instruction supramentale, ben, est en relation le devenir tout simplement avec la vibration que l'individu peut intercepter en fonction de sa sensibilité. Donc, si on part du principe qui a été aimé à la base, que la pensée vient d'ailleurs, donc, c'est pas l'individu qui génère la pensée à partir de son cerveau. Le cerveau n'est pas comme un organe physique, comme l'estomac qui va générer des sucres gastriques pour digérer qu'est-ce qu'il mange. Non, c'est quelque chose d'autre. Et c'est en relation surtout, à mon avis, avec un vécu. Moi, ce qui m'a amené, entre autres, à étudier l'instruction supramentale qui a été développée au Québec par Bernard de Montréal, qui a été un pionnier ici, ça a été, bon, j'ai vu de ses vidéos, j'ai entré en résonance avec sa vibration, mais est-ce que l'instruction de Bernard de Montréal, en fait, ce qu'il a véhiculé, est-ce que ça existe en dehors de lui? Ben oui. L'instruction supramentale et par-delà les individus. Les individus ne sont que des vecteurs d'énergie qui peuvent être à différents niveaux, avec un certain niveau de raffinement ou pas, des façons de véhiculer une vibration. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vibration sur le plan nominal existe par-delà le plan phénoménal, là, et les terminaux sur le plan phénoménal que sont des individus qui peuvent véhiculer une vibration. Ça existe au-delà de ça. Donc, c'est sûr que si on prend Bernard de Montréal, qui, à mon avis, était sans doute un surdoué, qui a beaucoup de vocabulaire, une intelligence à la fois rapide et profonde, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que tu as des gens qui sont très profonds, mais ils ne sont pas rapides, puis tu en as d'autres qui sont rapides, puis ils parlent vite, vite, vite, mais ils n'ont pas la capacité d'intercepter en profondeur ou en compréhension approfondie de certains phénomènes. Donc, Bernard de Montréal avait la capacité d'exprimer les choses avec un vocabulaire clair, précis et avec une certaine fluidité à travers sa parole, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a différentes personnes qui ont pu être mises en contact avec la même vibration, mais pas nécessairement la même capacité à la véhiculer avec autant de précision à travers la parole. Et c'est sûr que, dans le fond, tout est reçu selon la forme du récipient, pour prendre un célèbre adage philosophique. Donc, le récipient, le terminal de l'énergie, la radio, peut avoir différents niveaux de coloration. Donc, c'est sûr que c'est une radio qui est beaucoup colorée avec des concepts ésotériques ou chrétiens, ben, la vibration qui va être extériorisée va avoir cette couleur-là, alors que c'est une radio qui est très politisée, ben, la vibration va s'exprimer à travers de ça. Ensuite, c'est une radio qui, en tant qu'élément de réceptacle, qui va chercher à traduire la vibration avec, dans le fond, une culture américaine ou une culture européenne, ça va être différent parce que ça va moduler la vibration. Mais est-ce que la vibration est en relation avec une langue, que ce soit l'anglais, français, chinois, japonais? Bien non. Les langues ne sont que des formes transitoires à partir de laquelle une vibration peut chercher à se véhiculer. Et le devenir de l'instruction supramentale est en relation avec une diffusion grandissante d'une vibration à la surface de la Terre par rapport à certains individus clés qui sont des vecteurs d'énergie. Donc, il y a eu Bernard de Montréal, il y a eu Daniel Ménard, il y a eu Daniel Kemp, il y a eu Marc de la Salle, et il y en a présentement qui parlent, et il y en aura d'autres dans le futur. Donc, une continuité. Pourquoi? Parce que, à quelque part, le mental des individus sur Terre a besoin d'un renouvellement psychique en relation avec l'accès grandissant à des idées créatives qui vont favoriser une mutation énergétique et des synergies à travers des individus qui sont appelés à générer à la surface de la Terre un ordre nouveau, c'est-à-dire une société nouvelle en relation avec un mental nouveau qui va être transmuté par rapport à la vibration et qui va déloger les énergies anciennes. Et à ce moment-là, il y a toujours eu dans le passé ce que ça me dit, puis qu'il y aura toujours dans le futur une dynamisation la forme de par des énergies créatives. Donc, il y a des forces qui sont anti-stagnation. Il a déjà été question d'instruction supramentale que des forces retardataires ou anti-hommes, mais il y a des forces aussi évolutives, créatives, qui cherchent à véhiculer la vibration. Et c'est sûr que présentement, il y a des forces qui cherchent à mettre en place des structures extrêmement lourdes, extrêmement rigides pour favoriser une stagnation relative à un désir de contrôle social en relation avec le fait que les individus qui sont manipulés par des forces qui les relient à la structure astrale planétaire cherchent à véhiculer dans leur mental un état de peur constant qui, en relation avec la cœur, comme mécanisme de défense, cherche à contrôler. Donc, plus qu'on perd, plus qu'ils cherchent à contrôler, mais moins ils sont libres de la peur parce que la compulsion au contrôle ne veut pas les libérer de la peur. En fait, c'est comme... Ça les garde dans l'évitement de confronter la peur fondamentalement et de voir clair par rapport à elle. Et c'est sûr qu'il y a une mouvance sociale en relation avec des forces astrales qui cherchent à ce que, à travers les nouvelles technologies, que ce soit Internet, les réseaux sociaux, les gens soient surveillés 24 heures sur 24. Avec la géolocalisation des individus, géolocalisation des objets, observation de toute interaction sur les réseaux sociaux des gens, donc sauvegarder aussi des échanges par clavardage faits sur Facebook par différents individus. Donc, il y a une surveillance des individus dans leur habitude de consommation, surveiller leurs achats en ligne, surveiller avec qui ils parlent, surveiller les mots utilisés dans des moteurs de recherche comme par exemple Google. Surveiller les déplacements en voiture, surveiller la quantité de produits achetés, surveiller l'état des comptes bancaires, surveiller à qui sont faits les virements, et ainsi de suite. Cette culture-là de la surveillance est en relation avec les sécurités psychologiques au sein des individus qui cherchent à maintenir une emprise. Pourquoi ils cherchent à faire ça? C'est parce que c'est pour compenser un manque d'être et d'identité réelle fondamentale qui ne peut qu'être généré par la relation psychique entre l'individu et le supramental qui lui donne accès à une conscience créative qui lui permet de se supporter psychiquement par lui-même de manière autonome. L'individu qui est dans son intelligence, Chris, il ne cherchera pas à surveiller tout le monde 24 heures sur 24. Les gens ou les gens qui sont régis par des forces qui cherchent à faire ça, c'est parce qu'à quelque part, c'est des gens qui sont fondamentalement insécures, c'est des gens qui vivent à la peur, c'est des gens qui ne sont pas dans leur identité. Quelqu'un qui a un centre de gravité permanent ne cherche pas à s'imposer aux autres pour des raisons d'insécurité psychologique et projeter sur sa toile du monde son insécurité psychologique avec des mesures de contrôle de plus en plus grandes. C'est sûr que l'individu qui est conscient, il n'est pas naïf. C'est sûr que s'il y a un commerce, il ne cherchera pas à ce que les employés le volent. Par contre, de mettre des caméras partout et de tout surveiller les objets tout le temps. Bon, quelqu'un peut faire preuve de vigilance, mais au point d'être maladif puis de regarder ça à toutes les 30 secondes sur son écran d'ordinateur, qu'est-ce qui se passe avec le tel endroit du magasin, puis les caméras qui soient en grande quantité dans les villes, les cités, pour que tout le monde s'espionne, tout le monde. Cette mentalité-là d'épier les autres n'est pas le fruit d'une intelligence créative, mais plutôt d'une intelligence insécure, calculatrice, qui relie l'individu au mental inférieur, c'est-à-dire à l'intellect. Mais bon, ça fait partie de la situation présente. Mais pour ce qui est de l'avenir de l'instruction supramentale, pourquoi que je ramène tout le temps le sujet? C'est pour ne pas perdre le fil, parce que c'est très facile de s'éparpiller lorsqu'on parle. Donc, je cherche un peu à l'image d'un pitbull qui va attraper, vous pouvez vous visualiser ce chien-là, il attrape sa proie, puis là, il lâche pas. Fait que là, moi, la proie, là, c'est le sujet fondamental de l'enregistrement sur lequel je veux revenir constamment pour y aller à fond, c'est l'avenir de l'instruction supramentale. Bon, l'avenir de l'instruction supramentale, en fait, c'est pas très compliqué. Elle va passer par les individus qui l'intègrent. Les individus qui ont intégré réellement l'instruction supramentale, c'est des gens qui vont être confrontés à des oppositions dans leur vie de tous les jours, qui n'auront pas choisi, et qui n'auront d'autre choix que de s'ajuster en relation avec ces oppositions pour développer plus d'intelligence, plus de discernement, pour des raisons de nécessité évolutive. Donc, c'est des gens qui vont être appelés à changer malgré eux pour délaisser l'astral et intégrer davantage d'esprit. Prenons par exemple quelqu'un qui est confronté à une situation de rareté des ressources. Donc, il y a une situation d'inflation dans une société donnée. Bon, mais l'individu qui doit, à quelque part, parvenir à des besoins, comme se nourrir ou se chauffer, ben à quelque part, il va être obligé de se réinventer. Si le coût de la nourriture augmente, ben peut-être que finalement, il va délester de la nourriture, puis il va prendre d'autres nourritures, ou il va faire des partenariats avec des individus, il va faire du troc, il va faire des échanges. Donc, à quelque part, il va être, la nature du contexte va le faire en sorte qu'il va être obligé de changer quelque chose. Et si sa petite voix intérieure, ce que certains appellent l'esprit, lui dit qu'il doit s'alimenter, par exemple, de plus d'aliments crus, d'acheter moins transformé ou de boire moins d'alcool, parce que l'alcool, ça coûte de l'argent, que ce soit du vin ou de la bière, bon, ben à quelque part, ça, il dit ça, puis il constate que c'est intelligent, ben il aura peut-être à s'ajuster par rapport à ça. Ou quelqu'un, par exemple, pourrait être mis en vibration pour pratiquer le jeûne intermittent, c'est-à-dire au lieu de manger plusieurs repas par jour, d'espacer les repas par une période qui va donner du temps et du repos à ses organes internes, ses intestins. Et puis, en même temps, bien, c'est sûr que si quelqu'un ne mange pas en très grande quantité, comme c'est la promotion qui est faite naturellement dans la publicité, de manger plusieurs repas par jour parce que les gens vont aller dans des restaurants puis ils vont manger des grandes quantités. Or, ça se peut qu'objectivement, ça ne soit pas nécessaire par rapport à un individu donné. Donc, c'est sûr, c'est à l'individu de voir qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça. Et c'est sûr que l'un des bienfaits du jeûne intermittent, je regardais la documentation sur Internet en tant qu'égo par rapport à ça, c'est que, à quelque part, ça permet à la personne qui le pratique, de potentiellement de vivre plus longtemps. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'à chaque fois que notre nourriture, nos organes traitent de la nourriture, par rapport aux mitochondries qui sont des véritables petites usines en énergie qui, dans le fond, à partir de la nourriture, vont convertir ça en énergie par rapport à l'organisme. Bon, ben ils vont rejeter des radicaux libres qui sont comparables à de la rouille sur un véhicule automobile qui l'amène à user. Donc, plus qu'on mange, plus qu'à quelque part, il y a des radicaux libres qui sont en relation avec l'activité des mitochondries par rapport à la nourriture qui vont amener le rejet de radicaux libres. Plus qu'il y en a, plus que ça amène une dégradation de notre organisme biologique. Donc, à quelque part, j'avais déjà tombé sur des articles qui expliquaient que, bon, par exemple, si des souris ne mangent pas en trop grande quantité, mais adéquatement, là, pour ne pas être carencées, bon, ben ça augmente la durée de vie de la souris d'une certaine quantité de temps et ça favorise même sa santé. Donc, il peut avoir des effets bénéfiques même pour la santé de pratiquer le jeûne intermittent. Par contre, c'est tout le temps de voir si l'individu a la vibration par rapport à ça. Donc, si la personne fait la pratique du jeûne intermittent pour des raisons de spiritualité, parce qu'elle croit que ça va la rendre plus consciente, rehausser son taux vibratoire, même chose pour pratiquer le végétarisme ou être végane, parce que c'est un désir de l'ego, ça c'est autre chose. Là, ici, ce que je voulais parler, c'était plus dans le cadre d'une mise en vibration, quelque chose qui se fait naturellement, sans faire d'effort, en suivant tout simplement la vibration de fond. Moi, dans mon expérience, dans mon vécu, bon, ben, il y a plusieurs mois, au printemps, c'est souvent au changement de saison. D'ailleurs, c'est souvent ça qui est proposé, faire une espèce de nettoyage, mais bon, ça s'est installé naturellement. J'avais pratiqué un jeûne, ça avait duré au moins une journée au printemps dernier, mais je n'avais pas fait d'effort. Ça s'installait naturellement avec une certaine facilité. Mais après ça, je n'ai pas eu nécessairement le goût. Là, je m'alimente au moment où je vous parle. Là, je vais prendre 3 repas par jour. Là. Je suis pas dans le jeûne intermittent. À un moment donné, j'ai essayé quelques jours. Non, ça s'installe pas. Fait que je fais pas d'effort plus qu'il en faut. Mais si un jour je suis mis en vibration, j'aurais observé le mouvement. Mais le point que je voulais faire, c'est que l'intelligence créative va rechercher à ramener l'individu à l'essentiel. Donc, si l'individu achète de la nourriture, que ce soit des bouteilles d'alcool, de bière, puis il n'en a pas nécessairement besoin objectivement pour se réajuster, étant donné que sa capacité d'intégration de conscience lui permet de s'ajuster lui-même, sans utiliser l'alcool comme étant un outil de compensation de malaise interne. Donc, à ce moment-là, si l'individu est capable de ramener son aise interne à travers une communication avec son esprit ou avec sa source, peu importe le nom que vous lui donnez, bon, mais si la personne est capable de s'auto-ajuster vibratoirement à travers notamment l'utilisation de la parole à des fins autothérapeutiques, la personne n'a pas besoin de passer par la drogue, la consommation de marijuana ou d'autres substances pour arriver à cet état-là. Donc, le futur de l'intégration supramentale, ça va passer par des individus qui vont intégrer à travers des chocs de vie de l'intelligence. Et là, être en contact avec, c'est sûr, une instruction aussi précise que peut être véhiculée par Bernard de Montréal ou d'autres individus, ça permet tout simplement de mettre des mots en relation avec un vécu. Mais ce qui amène l'intégration de l'instruction supramentale, c'est le vécu. Et quelqu'un qui n'aurait jamais été en contact avec ce qui a été véhiculé par Sri Aurobindo, Bernard de Montréal ou d'autres personnes, si la personne est en contact avec elle-même et à l'écoute de sa conscience, eh bien, elle pourrait en venir éventuellement au même constat. Donc, la parole n'est que l'expression d'une vibration qui peut être le vecteur de forme qui peut ajuster temporairement le mental, mais ultimement, c'est à l'individu qui va être en contact avec sa source de s'auto-ajuster. Donc, le devenir, en fait, de l'instruction qui est de nature énergétique, vibratoire, c'est pas d'en faire des saintes écritures, là, tu sais, la Genèse du réel, qui est un gros livre qu'a écrit Bernard de Montréal il y a plusieurs années. Qui fait penser, quand on regarde le livre avec sa grosseur, sa couverture, un peu comme la Bible, la Bible pour les chrétiens, les catholiques, qui est un écrit fondamental. Bon, ben, c'est sûr que il y a des gens qui pourraient donner beaucoup d'importance au livre de la Genèse du réel, qui est une œuvre capitale par rapport aux écrits de Bernard de Montréal, et d'y voir. Vu que c'est la grosseur de la Bible, ce livre sur le plan physique, une nouvelle Bible. Donc, il y a des gens qui pourraient délaisser la religion catholique dans le fond, en venir à adorer la Genèse de réel, donc en faire un livre saint. C'est une possibilité, mais ce n'est pas mon cas. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent vouloir faire de l'instruction supramentaire une religion, mais ça leur appartient. Et moi, ce que je capte vibratoirement, c'est que dans un futur lointain, il ne sera jamais question, ultimement, il ne sera pas question d'une religion supramentale. Peut-être à court terme, oui, il y a des gens qui peuvent faire de la dérive et qui peuvent s'opposer à ça. Il y a des mouvements astraux qui vont chercher à saboter le mouvement, mais éventuellement, tôt ou tard, ils vont être neutralisés par l'intelligence créative. Donc, Tout ça pour vous dire que moi, si j'ai de l'énergie à consacrer, eh bien, ça va être de véhiculer une parole qui favorise ma créativité ou mon épanouissement. Pas de discuter avec des gens qui sont pour l'instruction ou contre l'instruction, puis de participer à des débats, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas des joutes d'ego. Puis je regarde certaines personnes qui font penser à des enfants qui cherchent à se défouler en manque d'attention. Pour moi, c'est inintelligent. Ce qui va être intelligent dans ma vie, je vais vous le dire clairement, c'est les choses qui favorisent mon bien-être. Comme par exemple, je vais pratiquer des mouvements de yoga. Récemment, sur ma chaîne YouTube, j'ai partagé là, un enregistrement que j'avais fait il y a plusieurs mois en compagnie de Mona. Et c'était par rapport au yoga des voyants. Donc, à l'origine, l'enregistrement, je l'avais mis en vente. Et après discussion avec Mona, elle m'y avait autorisé. Bon, mais j'ai rendu l'enregistrement disponible gratuitement. Et la première chose qui est arrivée, c'est qu'une personne m'a écrit puis dit « Ah, c'est là, tu te fais récupérer par de la spiritualité, là. C'est pas de la conscience supramentale, le yoga, là. Là, tu es en train de te faire manipuler. » Attention! C'est pas parce que je fais des mouvements de yoga ou que je vais même faire le son des voyelles que je vais prononcer avec ma gorge que ça veut dire nécessairement que je me fais récupérer spirituellement en fonction d'une doctrine. Donc, moi, je n'ai pas de maître spirituel, là. Donc, tu sais, il y a des nuances à faire. Quelqu'un peut faire une activité parce que ça lui permet d'être bien. Comme moi, par exemple, si je pratique des mouvements de yoga, ça permet avoir une certaine fluidité des mouvements de mon corps, d'aller chercher de la flexibilité. Donc, pour moi, si je fais ça, puis je suis en contact avec mon intériorité, c'est-à-dire mon esprit, à ce moment-là, je n'évalue pas que cette activité constitue un détournement de moi-même. Et je fais pas cette activité non plus dans une optique de me soumettre à des formes. Mais je veux plutôt travailler avec la forme pour mon bien-être. La forme, c'est quoi? Ben, c'est un exercice de yoga. Quelqu'un qui va faire le cobra, quelqu'un qui va faire le papillon, quelqu'un qui va faire la grenouille, donc différentes positions. Le chat, on peut les représenter avec des noms d'animaux là, pour certaines d'entre elles, ou l'arbre, être debout sur une patte. Bon, quand que je fais ça, ça favorise mon équilibre, puis je me sens bien, puis je suis en contact simultanément avec mon intériorité. Et pour moi, il n'y en a pas de problème. Donc, c'est tout le temps une question du rapport aux choses. C'est sûr, si quelqu'un commence à faire du yoga, puis la personne se met à prier des maîtres spirituels en Inde ou des instructeurs yoga, puis que la personne elle les utilise comme figure de référence au lieu de se savoir par elle-même, bien avoir l'autonomie psychique de se donner les réponses aux questions fondamentales en relation avec une communication qu'elle peut avoir elle-même avec sa source. C'est sûr que ça devient dépendant des maîtres du yoga, elle a une crise de problème, là. Mais c'est pas dans cette optique-là. Et moi, je m'adresse aux individus qui sont conscients, qui sont sensibles, qui sont capables de discernement. Donc, c'est sûr, si je vais m'entraîner sur le plan physique, je suis pas, si je fais de la boxe, je suis pas un adepte de Rocky Balboa pour prendre ce personnage cinématographique, là, qui a été illustré, là, par Sylvester Stallone. Je peux trouver intéressant ce que fait, je peux trouver intéressant ce que fait Bernard de Montréal ou d'autres personnes, mais ultimement, dans ma vie de tous les jours, que ce soit par rapport au choix de ma nourriture ou le choix ou non d'avoir des enfants, entre guillemets, parce que c'est sûr que dans un sens, il y a des programmations qui s'exercent et l'individu peut avoir l'impression de choisir, mais il est amené à avoir certains comportements plutôt que d'autres en relation avec sa programmation existentielle. Donc, c'est sûr que, bon, par rapport à la question d'avoir des enfants, moi, dans quelques mois, je suis censé devenir père, étant donné que ma compagne est enceinte, au début du mois de décembre 2022. Au début de la relation, il y a plusieurs années, le projet des enfants, quand on s'était parlé de ça, il était là. Ensuite, on l'a mis sur la glace, puis finalement, on l'a actualisé. Mais quand on l'a actualisé, j'avais la vibration d'aller de l'avant avec le projet. Et puis, j'ai suivi la vibration. Donc, c'est sûr qu'on est ému par une vibration dans notre vie qui va donner une direction à notre existence. C'est sûr que c'est de composer avec ça intelligemment. Puis pour composer avec ça intelligemment, mais c'est sûr qu'on peut poser la question à l'esprit, c'est quoi la fonction, par exemple, d'un enfant dans notre vie, ou c'est quoi la fonction d'occuper un travail donné ou d'avoir une certaine alimentation. On peut être instruit de la raison, par exemple, d'un événement qu'on va vivre, des événements mondiaux. Si on regarde la situation entre la Russie et l'Ukraine, je peux regarder des documentaires sur Internet, des reportages vidéo, puis là, ça me parle. Même chose par rapport à la gestion de la crise sanitaire. Tout peut être l'objet de capter un savoir en relation avec ce qui se passe, explicatif. C'est plus ça qui m'intéresse que des gens qui cherchent à argumenter entre eux puis faire des débats au niveau de l'intellect. Quelqu'un qui veut contester une vibration par une vibration qui est plus haute, si c'est vraiment intelligent ce qu'il amène, j'aurais à le prendre en considération. Mais si quelqu'un cherche à contester une vibration pour amener une vibration plus basse, ben là, j'embarque pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui me rehausse. C'est pas ce qui m'abaisse. Puis c'est tout le temps de regarder c'est quoi qui est le plus efficace sur le plan énergétique pour des raisons d'ergonomie. Donc, est-ce que c'est plus efficace d'essayer de convaincre du monde sur Internet ou de véhiculer une vibration par rapport à ce qu'on porte en soi? Qu'est-ce qui est le plus vitalisant? Qu'est-ce qui nous alimente plus? Même chose par rapport au choix des émissions à télévision. Donc, choix d'écoute des bulletins de nouvelles, les médias alternatifs, et ainsi de suite. Tout est en relation avec un taux vibratoire. Et lorsque l'individu devient de plus en plus sensible, il est plus intéressé à se faire chier avec le monde, à se polluer aussi. Il est intéressé finalement à être bien dans sa peau. C'est un constat, que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans ou dans 60 ans. C'est un constat que peut-être qui se conscientise de ma perspective est voué à en venir tôt ou tard. Et l'instruction supramentale, elle est là. Elle est accessible sur le web. Bernard de Montréal en l'a véhiculé. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Marc de La Salle. Bon, il est décédé présentement, mais à travers les coordonnées du site web là, que vous allez avoir en bas de l'enregistrement, bien, vous allez avoir accès à son matériel. Lui a arrêté de diffuser en 2020, mais c'est pas fini. Il y a d'autres personnes qui diffusent présentement. Il y en a d'autres aussi qui vont venir. Il y aura une continuité de la conscience supramentale en termes de diffusion, bien que dans le futur, peut-être que ça n'utilisera pas cet adage-là, mais le principe d'une vibration qui est véhiculée à travers des individus en tant que canaux en vue de favoriser un déploiement d'idées créatives qui vont faire éclater des formes anciennes qui ne sont plus utiles par rapport à une civilisation dans l'optique de faire du ménage et d'amener un renouvellement. C'est une nécessité évolutive absolue que ce phénomène se produise, donc il se produira. Et toute société qui cherche à être repliée sur lui-même par rapport à des mesures de contrôle excessives, notamment à travers l'utilisation des nouvelles technologies, des algorithmes, du big data, qui cherche à devenir une auto-clos, ça ne peut pas exister à long terme. Tôt ou tard, ça va être saboté. Pourquoi? Parce que tout phénomène de société qui cherche à bloquer l'émergence d'une vibration va tôt ou tard être mis en échec par l'intelligence créative qui est toujours un peu à l'image d'un joueur d'échecs, un coup d'avance sur l'intelligence réflexive linéaire et attachée à des formes mémorielles se rapportant au passé. Donc, il est inutile aux forces redataires de résister car elles ne pourront pas le faire éternellement, n'étant pas capacité d'une autogénération créative pour faire face à des intelligences qui sont capables de s'autogénérer créativement à perpétuité, étant donné qu'elles sont de nature infinie. Donc, tout ça pour dire que la partie est gagnée sur une longue échelle de temps, mais à court terme, oui, il y a des forces qui vont résister, il y a des forces qui vont chercher à chialer, à se plaindre, mais moi, je les observe. Et je reste dans mon silence. Je nourris pas le mouvement. J'ai eu à bloquer des gens dans le passé, probablement que dans l'avenir aussi. Je cherche pas à leur donner trop d'énergie. Si j'ai utilisé efficacement mon budget énergétique, c'est de parler avec des gens que je me sens bien avec eux, respectueux, puis laisser faire les autres. Puis de m'occuper de diffuser qu'est-ce qui favorise mon développement pour des fins d'autothérapie, mais je cherche aussi qu'est-ce qui va favoriser aussi un rehaussement de l'énergie. Donc, je suis le mouvement, tout simplement, sans me réfléchir, sans me casser la tête, être capable de mettre en unisson avec la spontanéité et l'immédiateté de l'énergie qui peut chercher à s'actualiser en moi à travers la parole, les propos qui peuvent être tenus. Voilà. L'essentiel est dit. Donc, le devenir de l'instruction supramentale est assuré. C'est le constat que j'en viens. Peu importe les forces de résistance, peu importe les vidéos qui vont être faites sur YouTube, les gens qui critiquent, qui chialent, qui font de la médisance, et ainsi de suite. Voilà. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.